Merci. Très bien, maintenant que notre orateur est outillé, nous pouvons reprendre. Alors, Pierre-Ulysse Barranc et le titre de son intervention, Sartre et Foucault, autre socialisme et insurrection contre les systèmes planétaires. 35 minutes. Très bien. Bon, d'abord, je tiens à remercier donc, les organisateurs de m'avoir invité et, vous, et permettre de vous parler donc, de Sartre, de Foucault et surtout de l'Iran. Au cours de cette conférence, nous voudrions mettre en relation deux catastrophes naturelles que présenta l'histoire au cours des années 70. Il s'agira pour nous de présenter l'analyse faite par Michel Foucault lorsque, je cite, « La Terre vient de trembler » dans l'Iran de 1978, en le critiquant au regard d'un certain coup de tonnerre, ça c'est une phrase de Sartre, étudiée donc par Sartre dans son analyse du Pays Basque espagnol en 1970. Ce travail s'intégrant à la suite d'une première étude sur ce texte de Sartre, intitulé « Le procès de Burgos », au cours duquel nous nous étions efforcés de présenter l'analyse sartrienne de ce coup de tonnerre de l'apparition de l'indépendantisme basque, de ses causes sociales profondes comme de son histoire, nous attacherons moins à un projet d'étude comparative de la pensée de ces deux auteurs confrontés au surgissement d'un événement historique, mais nous essaierons plutôt de faire une lecture critique des textes de Foucault en s'appuyant sur l'appareillage conceptuel créé par Sartre. En cela, ce n'est pas au Sartre phénoménologue ou existentialiste que nous nous référons, mais au Sartre théoricien du social, au véritable philosophe social qu'est Sartre, selon nous, dans le texte intitulé « Le procès de Burgos », extrait du 10e et dernier tome des situations. Ainsi, nous ferons moins une conférence sur Sartre que plutôt une tentative de philosophie sociale sartrienne appliquée. Le tremblement de terre qu'analysa Foucault secoua les structures stables de l'Iran, tenues par la main de fer du Shah, le 8 septembre 1978, lors du Vendredi Noir, c'est-à-dire le jour où l'armée de l'empereur Mohammad Reza Pahlavi massacra les manifestants sur la place Jalleh à Téhéran. Nous trouvons cette analyse dans les 15 articles du deuxième volume de 10 écrits consacrés à ce pays. Le contexte de l'écriture des articles de Foucault sur l'Iran est connu. En 1978, Michel Foucault se rendit deux fois dans ce pays afin de réaliser une série d'enquêtes sur la contestation populaire au régime du Shah. Ces articles devaient être les premiers essais de ce journalisme philosophique auquel Michel Foucault avait tant appelé de ses voeux les reportages d'idées, qui furent publiés dans le journal italien Le Corriere della Sera ainsi que dans Le Nouvel Observateur. Nous savons que le soutien de Michel Foucault à la révolution iranienne lui fut vivement reproché dès la prise du pouvoir par l'ayatollah Khomeini et l'instauration de la République islamique d'Iran en 1979. Que la position de Foucault sur l'Iran soit critiquable, c'est un fait. D'ailleurs, cette conférence participera à une telle critique en se proposant de dépasser ce que nous considérons comme des apories théoriques de l'analyse foucaldienne de l'Iran par l'intermédiaire des concepts sartriens. Pour autant, nous pensons que s'il faut juger l'analyse de Foucault sur l'Iran, cette critique doit s'appuyer sur le texte même de notre auteur et sur les événements précis dont il fut le témoin direct. Pour ce faire, il faut tout d'abord rappeler que ce que nous appelons aujourd'hui révolution islamique n'est justement pas spécifiquement islamique quant à son origine, et Foucault d'ailleurs ne l'ignore évidemment pas. Cette révolution iranienne est majoritairement le produit d'un peuple qui n'est alors que très peu politisé par des partis d'opposition, partis d'opposition qui sont de toute façon interdits, traqués et anéantis par la police politique du Shah, la SAVAK. Et lorsqu'opposition politique il y a, celle-ci est avant tout composée de militants de la gauche laïque du Front National, héritier de Mossadegh, du Parti communiste iranien, le Toudeh, ou des nombreux courants marxistes-léninistes dans ce pays. De plus, en 1978, la révolution iranienne ne peut être qualifiée à proprement parler de révolution islamique, car le but politique premier des manifestants, le seul que l'on entend dans les rues de Téhéran au début du mouvement, vise spécifiquement la destitution du Shah. C'est uniquement contre le pouvoir du Shah que le mouvement populaire s'organise, et les Iraniens, qui fraternisent alors, afin de rendre manifeste leur colère, dirigent cette colère contre l'autocratie de l'empereur. Un tel fait n'est guère étonnant, selon notre auteur, puisque l'événement fondateur du mouvement populaire est apparu en réaction précisément à la répression des forces armées de cet empereur. Aussi, lorsque Michel Foucault se rend une première fois en Iran en tant que reporter philosophique, il interroge une foule de personnes issues des milieux sociaux et politiques les plus divers. Or, par-delà la multiplicité des conditions socio-professionnelles et des opinions politiques divergentes, c'est bien un seul et même objectif commun qui lui est explicitement affirmé dans chacun de ses entretiens. Les Iraniens lui disent, je cite, « Nous ne voulons pas de ce régime ». Fin de citation. Ce faisant, si nous considérons la révolution iranienne depuis le point de vue de l'événement qui la fonde, c'est-à-dire rapporté au massacre du vendredi noir, il serait faux de dire que cette révolution iranienne apparaît historiquement en tant que révolution islamique. Nous ne pouvons effectivement pas qualifier la révolution iranienne de révolution islamique dans cette première phase du soulèvement populaire dont Foucault est le témoin, pour la simple raison que l'objectif politique de la création d'un État régi par les lois religieuses de l'islam chiite n'existe alors tout simplement pas. D'ailleurs, remarquons que ce mouvement populaire iranien ne devint effectivement une révolution islamique qu'à la suite du coup de force politique imposé par les partisans de l'ayatollah Khomeini, notamment lors du référendum très contesté du 31 mars 1979, qui consacra l'adoption de la République islamique iranienne dans un climat terrifiant de violences politiques et d'exécutions sommaires des opposants par les paramilitaires pro-Khomeini. Un bref aperçu sur la chronologie de la révolution iranienne suffit à confirmer un tel fait. Non seulement cette révolution ne devient islamique donc au mois de mars 1979, quand les romainistes prennent effectivement le pouvoir, mais de toute façon la séquence historique étudiée par Foucault ne peut être celle de l'apparition de l'islam politique comme force en Iran. En effet, lorsque Foucault est en Iran en 1978, le Shah n'a pas encore été destitué et expulsé de son pays, l'ayatollah Khomeini n'est même pas encore revenu de son exil, et surtout, il n'existe aucun parti politique islamiste de masse, actif et organisé à ce moment-là. Il faudra en effet attendre le mois de février 1979 pour que soit créé un parti politique islamiste pro-Khomeini, dont le but explicite soit la création d'un État régi selon les lois de l'islam chiite. Or, de tels événements, nous savons que Michel Foucault n'en fut jamais le témoin, puisque sa présence en Iran date de l'année précédente. Pour autant, en rappelant de la sorte la complexité du processus révolutionnaire iranien, nous ne voulons nullement insinuer que la pratique et la foi en l'islam chiite n'a joué aucun rôle dans la révolte iranienne initiale de 1978. Bien au contraire. Michel Foucault met immédiatement l'accent sur la présence prééminente du religieux dans ce soulèvement. En effet, dès son premier article intitulé « L'armée quand la terre tremble », Foucault conclut sur le caractère islamique du mouvement populaire en cours. L'islam est donc bel et bien en jeu dans la révolte contre le Shah, mais pas sous la forme de la création politique d'un État musulman. Pour le dire d'une manière simple dans nos catégories politiques contemporaines, il y a de l'islam dans le soulèvement de 1978, mais pas sous la forme d'un islam politique. Et si la référence culturelle prééminente de cette révolte est bel et bien islamique, elle n'est pas islamiste avant la prise du pouvoir par les romainistes. Ainsi, bien qu'il implique l'islam à son plus haut point, l'objet socio-historique dont rend compte les textes de Foucault sur l'Iran n'est pas à strictement parler la question de l'apparition d'une révolution religieuse. Remarquons d'ailleurs que dans l'enquête que notre auteur mène pour le Corriere della Sera, Michel Foucault ne s'attarde jamais à analyser l'émergence de l'islam comme projet politique. Agir de la sorte d'ailleurs serait ne faire guère preuve d'acuité dans la saisie du caractère événementiel de ce fait historique, car en 1978, l'islam politique est déjà au pouvoir depuis plus de 50 ans dans les états pétroliers de la péninsule arabique. En tant que tel, son apparition en Iran n'est pas, pour dire, un événement. Dès lors, moins qu'un islam politique, c'est bien plutôt l'apparition de l'islam comme critique du politique qui semble faire événement pour Michel Foucault. La différence peut paraître a priori subtile, elle est pourtant de taille et il ne faut nullement la déconsidérer car elle implique des conséquences théoriques décisives pour la compréhension de l'analyse de ce phénomène socio-historique dont nous parle l'auteur. Afin de comprendre le caractère apolitique ou anti-politique de l'insurrection iranienne. Il nous faut revenir sur la situation concrète dans laquelle apparaît un tel mouvement, ce qui nous permettra alors, dans un deuxième temps, de saisir la nature spécifique de cette insurrection iranienne antipolitique comme réponse critique du peuple iranien face à la situation d'oppression qu'il subit. C'est au cours d'une telle entreprise que nous allons nous trouver contraints d'utiliser la pensée de Sartre pour pouvoir dépasser ce que nous considérons être certaines limites de l'analyse foucaldienne. Tout d'abord, la critique du pouvoir du Shah. Foucault comprend assez facilement que ce rejet véhément du Shah Mohammed Reza Pahlavi vise non seulement l'arbitraire du pouvoir d'un homme, mais surtout la tyrannie d'un système, dont le Shah est non seulement l'acteur principal, mais aussi le symbole pour les masses iraniennes. Comme l'écrit Foucault, le malheur, je cite, « le malheur du Shah, c'est de faire corps avec cet archaïsme du régime ». Fin de citation. Ce système tyrannique iranien est très caractéristique de la dynastie des Pahlavi. En effet, dans l'article de Foucault intitulé « Le Shah à 100 ans de retard », Foucault décrit le système tyrannique iranien comme, je cite, « l'ensemble, modernisation, despotisme, corruption ». Ce dispositif ternaire se présente ainsi. Premièrement, le despotisme autocratique du Shah, comme forme de processus de décision politique. Deuxièmement, la corruption, comme moyen social d'accomplir les décisions politiques autocratiques. Et enfin, troisièmement, la modernisation industrielle accélérée, qui est non seulement l'objectif avoué de ce système de gouvernance, mais aussi la forme que prend le rapport de domination de classe qui permet précisément sa réalisation. Ainsi, de la critique d'un homme et de son pouvoir arbitraire, Foucault nous montre comment nous retrouvons très rapidement à une critique de la modernisation qui était la cause censée justifier idéologiquement la tyrannie. Dès lors, arrêtons-nous quelque peu sur cette question de la critique de la modernisation opérée par les insurgés iraniens. Michel Foucault constate effectivement cette critique d'une modernité capitaliste et autoritaire. Il la constate, selon nous, avec justesse. Il approuve ainsi l'assimilation que font les Iraniens entre le pouvoir politique du Shah et ce processus de modernisation qui justifie les moyens despotiques de cette politique. Pour autant, il nous apparaît que c'est précisément ici que son argumentation bloque et se trouve devant une aporie théorique que nous voudrions lever à l'aide de la pensée de Sartre. Pourquoi pensons-nous que cette critique de la modernisation despotique est une aporie dans le processus analytique de Foucault ? Tout simplement parce que celui-ci la constate et la décrit, certes avec justesse, mais sans présenter à un seul moment ne serait-ce qu'une tentative d'explication historique de son apparition. Or, nous considérons que ce vide, dans l'analyse de Foucault, est un manque théorique aux conséquences philosophiques lourdes. Nous le verrons notamment lorsqu'il s'agira pour Foucault de penser le lien entre cette critique de la modernité et la présence de l'islam dans la révolution iranienne. Pour pouvoir atteindre un tel objectif, revenons sur le dispositif ternaire dont je vous ai parlé. Que veut dire précisément l'ensemble modernisation, despotisme, corruption ? Ce dispositif est selon nous l'expression d'une structure sociale particulière. La modernisation tyrannique crée une forme d'exploitation inattendue dans le contexte d'un pays comme l'Iran, qui n'a jamais été colonisé et conquis territorialement par l'Occident, et dont la puissance économique en fait un des leaders régionaux à cette époque. En effet, en Iran, nous nous trouvons dans une situation très paradoxale. Si nous en croyons Foucault, une mince élite d'oligarques corrompus par l'autocratie du Shah dirige la modernisation et récolte l'ensemble des profits de cette modernisation industrielle. En face d'elle se trouve l'ensemble des travailleurs iraniens qui subit cette modernisation à laquelle ils participent tous, mais sans en tirer aucun profit, pas même sous la forme de biens de consommation, puisque l'ensemble des produits créés par la modernisation partent dans l'exportation. Et les bénéfices sont minutieusement distribués par l'autocrate aux différents oligarques afin de faire respecter ses décisions politiques. Quel genre de système d'oppression politique un tel dispositif ternaire présente-t-il ? Nous ne sommes pas dans un rapport d'exploitation coloniale classique, puisque l'Iran est un État indépendant et de longue date. Nous ne sommes pas non plus dans une économie d'un pays industriellement développé, puisque l'industrialisation n'est pas consommée par les travailleurs iraniens. Pour formuler le problème de la conceptualisation que Sartre développe dans le procès de Burgos, nous devons nous demander quelle est la spécificité, je reprends l'expression de Sartre, de l'oppression de l'homme par l'homme en Iran, et quelle est la praxis qui s'en dégage. Tout le paradoxe du rapport d'exploitation iranien trouve sa raison d'être ici. Or, si nous nous référons au concept philosophique de Sartre, toujours dans le procès de Burgos, ce rapport social étrange devient par là même immédiatement plus clair. Le système modernisation-despotisme-corruption, dont Foucault nous dit qu'il est véritablement le seul objet de refus conscient et explicitement formulé par les insurgés iraniens, sans parvenir à aucun moment à expliquer les causes sociales de la spécificité d'un tel système, un tel système différencie effectivement le cas iranien d'une exploitation capitaliste classique. Pour parler avec les concepts de Sartre, nous ne trouvons pas en Iran un rapport, je cite le concept de Sartre, un rapport de lutte des classes chimiquement pure, comme dans les sociétés industrielles capitalistes occidentales. Ce que nous trouvons dans le cas iranien, c'est une situation que Sartre appelle la surexploitation. Ce phénomène, très explicitement défini dans le procès de Burgos, désigne une situation économique spéciale qui est intégrée aux économies capitalistes occidentales, tout en s'en distinguant sur un aspect fondamental. En effet, un système de surexploitation se distingue de la simple exploitation économique chimiquement pure, dans la mesure où l'on n'y trouve pas l'appareil d'oppression politique de l'État comme un simple moyen pour accomplir une exploitation de type économique, visant le profit d'une classe bourgeoise hégémonique. Selon nous, l'Iran se trouve bien plutôt sous le joug d'un système de surexploitation dans lequel la modernisation économique est le moyen pour un pouvoir étatique de réaliser un projet politique de perpétuation du contrôle de ses sujets. Autrement dit, il y a surexploitation en Iran, car l'activité économique dans cette situation n'est pas à elle-même sa propre fin, mais elle est subordonnée à un objectif politique précis, maintenir le pouvoir de l'empereur. Cette subordination de l'économie par la politique n'est d'ailleurs pas surprenante dans le cas iranien, si on s'y attarde quelque peu, puisque l'ensemble des secteurs de l'économie dans l'Iran du Shah n'est pas la propriété d'une classe bourgeoise en lutte pour son hégémonie, comme dans les sociétés capitalistes, mais elle est la propriété du décideur politique lui-même, à savoir le Shah d'Iran. Nous ne nous trouvons pas dans le cas d'une classe bourgeoise en concurrence et qui exploite économiquement un pays en investissant, en achetant et en vendant. Nous nous trouvons au contraire dans le cas d'un empereur qui possède un pays et dont la modernisation industrielle est le moyen ultime qui permet à ce dernier d'avoir justement les moyens de continuer à le posséder. Et nous pourrions rajouter au sens strict de le posséder sans partage. Ainsi, nous pouvons dire que l'empereur iranien n'exploite pas économiquement son pays. Il le possède comme on possède une chose. Et la modernisation économique, dès lors, rentre en jeu comme moyen de la perpétuation du contrôle politique de sa chose. Or, ce type de système d'exploitation de l'homme par l'homme, appelé surexploitation par Sartre, nous savons de quoi il est le synonyme chez cet auteur. En effet, le concept de surexploitation, en tant qu'il se définit comme l'usage politique de l'exploitation économique, est l'indice d'une situation historique particulière chez Sartre, à savoir celle d'un rapport de domination coloniale. Les Iraniens ne se trouvent absolument pas dans la situation de citoyens d'une démocratie bourgeoise, exploités économiquement par une classe capitaliste en concurrence. Les masses iraniennes sont les sujets d'un empereur qui exploite moins un pays qu'il ne le possède. Nous pouvons alors dire que ces masses se retrouvent dans un rapport colonial à leur propre État. À l'instar des Basques espagnols dans l'État franquiste analysé par Sartre, Le peuple iranien est une colonie de l'intérieur vis-à-vis de la dynastie des Pahlavis et de ses séides. Voilà la situation sociale concrète dans laquelle se trouvent les Iraniens en lutte contre l'autocratie du Shah. D'ailleurs, bien qu'il ne l'explique pas, Foucault s'accorde sur un tel constat. Il remarque en effet, toujours dans le même article, je cite, « Comment ne pas comprendre que le peuple iranien voit dans les Pahlavis un régime d'occupation ?» Un régime qui a la même forme et le même âge que tous les régimes coloniaux qui ont asservi l'Iran depuis le début du siècle. Fin de citation. Le pas que nous permet ici de faire la conceptualisation de Sartre consiste à pouvoir expliquer les causes socio-économiques d'un tel constat foucaldien. Là où Foucault concède lui-même, lui-même que son constat ne se fonde que sur son seul sentiment personnel. Si Foucault annonce avec justesse, je cite, j'ai eu alors le sentiment de comprendre que les événements récents ne signifiaient pas le recul des groupes les plus retardataires de la société devant une modernisation trop brutale, mais le rejet, par toute une culture et tout un peuple, d'une modernisation qui est en elle-même un archaïsme. Fin de citation. La conceptualisation de Sartre nous permet alors de dépasser cette simple description subjective et de comprendre l'origine du refus de cette modernisation par le peuple iranien. En effet, le concept de surexploitation coloniale nous permet de comprendre que cette modernisation n'est pas critiquée en tant que modernisation technologique, mais précisément en tant que cette modernisation est le moyen de perpétuation du rapport politique d'exploitation coloniale, et en plus, dans ce cas-là, comme dans le cas basque-espagnol, d'un rapport de colonie intérieure. Ainsi, le concept de surexploitation nous permet de saisir effectivement la spécificité de la contestation iranienne. Le mouvement populaire iranien est une critique de la politique, car les Iraniens contestent un pouvoir qui utilise l'économie pour les dominer politiquement, comme dans tout régime de type colonial. Et cette critique de la politique est en même temps une critique de la modernisation, car cette modernisation n'est rien d'autre que le moyen concret de la perpétuation de cet assujettissement politique. Ainsi, c'est parce qu'ils subissent un type d'oppression spécifiquement politique, au travers de la surexploitation du Shah, que le peuple iranien se soulève sous une forme qui rejette entièrement le paradigme politique en tant que tel. Les Iraniens rejettent le paradigme politique car c'est bien sur celui-ci, hein, sur ce paradigme-là, que s'est fondé le type d'oppression particulière dont ils cherchent à s'émanciper. Le concept de surexploitation est selon nous l'un des concepts les plus intéressants de la pensée sociale sartrienne, et l'analyse de l'insurrection iranienne est l'occasion d'en présenter toute l'efficacité théorique. Non seulement il nous a permis de comprendre la nature du rapport d'oppression présent dans l'Iran du Shah, mais en plus ce concept peut nous permettre d'entrevoir quel genre de mouvement contestataire peut naître en réponse face à un tel type d'oppression. En effet, nous rappelons que Foucault observe la présence de l'islam comme mouvement populaire d'opposition au régime du Shah, alors même que ce mouvement est une critique, un acte du paradigme politique en général, et donc de l'islam politique y compris. Nous pouvons nous demander dès lors pourquoi la révolte populaire en Iran a pris cette forme tellement inédite et même incongrue, hein, de cette forme, là je cite Foucault, de suite de fêtes et de deuils réglés sur les rites de l'islam traditionnel chiite. Pourquoi cette réforme n'a pas pris une autre forme, notamment politique, voire même, on aurait pu imaginer, syndicale, que celle des rites et des pratiques culturelles entièrement imprégnées par l'islam chiite? Là encore, la conceptualisation sartrienne va nous permettre d'expliquer socialement ce que Foucault ne fait que constater et décrire. De même que la surexploitation politique se différencie de la simple exploitation économique chimiquement pure, la réponse d'un peuple qui se soulève face à cette surexploitation va prendre une forme nettement différente de la lutte des classes traditionnelles dans les sociétés bourgeoises. Comme l'écrit Sartre, toujours dans le procès de Burgos, dans un rapport social de type colonial, je cite, « lutte des classes et lutte pour l'indépendance nationale se confondent ». Fin de citation. Au vu d'une telle citation, la présence de l'islam dans l'insurrection iranienne nous apparaît alors nettement plus évidente. L'islam chiite n'est pas dans le mouvement populaire iranien un projet politique, ni même un projet religieux. Il est bien plutôt, si je reprends la formulation de Sartre, il est bien plutôt la culture de ce pays, en tant que cette culture, et la praxis qui se dégage de l'oppression de l'homme par l'homme, fin de citation, dans le cas particulier de la surexploitation en Iran. Ainsi, l'islam chiite dans l'Iran insurgé est plus qu'un projet politique ou qu'une religion. Il est la culture nationale et populaire sur laquelle se fonde un peuple pour s'émanciper d'un rapport colonial à son propre empereur. Dans le seul pays du monde musulman où ce courant minoritaire de l'islam, le chiisme, est largement majoritaire, l'islam chiite est, alors là je reprends la formulation de Foucault qui finalement s'accorde d'une telle conception nationale du chiisme, l'islam chiite est, je cite Foucault, véritablement le vocabulaire, le cérémonial, le drame intemporel, à l'intérieur duquel on pouvait loger le drame historique d'un peuple qui met son existence en balance avec celle de son souverain. Fin de citation. Comme l'explique Foucault dans l'article « L'esprit d'un monde sans esprit ». L'islam chiite joue donc un rôle prépondérant dans l'insurrection de 78 en tant qu'il est un langage, j'ai envie de dire même un langage au sens plein et ethnologique du terme. Dans l'Iran insurgé, l'islam chiite est cet ensemble de représentations symboliques communes aux Iraniens qui leur a fourni une langue insurrectionnelle capable de donner un sens efficace au soulèvement et qui en outre leur a permis de produire une langue insurrectionnelle aisément compréhensible et aisément communicable pour l'ensemble des Iraniens. Le chiisme offre tout un ensemble de mythes et collectifs et de rituels populaires permettant de souder la communauté iranienne en lutte autour de contenus imaginaires communs, tels donc ces fêtes, ces deuils, ces cérémoniales dont nous parlait Foucault. Foucault ne néglige nullement toute cette dimension nationale et populaire du chiisme en Iran, bien au contraire. En revanche, l'explication par ce dernier de la présence du chiisme dans l'insurrection demeure selon nous plus que contestable. En effet, du fait même que Foucault ignore que l'usage contestataire de l'islam chiite en Iran n'est rien d'autre que l'effet d'une situation sociale issue de la surexploitation que ce peuple a subi concrètement, notre auteur va présenter une explication du phénomène chiite qui nous apparaît comme une aporie de sa théorie sociale. Si Foucault remarque avec justesse, je cite, que c'était la religion chiite qui constituait le vrai principe de la conscience nationale et non pas l'arianité. Fin de citation. L'arianité, qu'est-ce que c'est ? L'arianité, c'est le caractère ethniquement perse de la culture iranienne qu'avait défendu le Shah pendant son régime. Si Foucault donc remarque que le chiisme était le vrai principe de la conscience nationale et non pas l'arianité, jamais le philosophe ne conçoit que ce retour de l'islam chiite est précisément la réponse dialectique du peuple iranien en lutte, apparue en raison du fait même que ce peuple s'était justement vu imposer par le Shah l'arianité comme pseudo-culture nationale subie. Il ne vient jamais à l'esprit de Foucault que si l'Iran insurgé voit apparaître le chiisme sous une forme insurrectionnelle tout à fait inédite, une forme insurrectionnelle d'ailleurs que cette religion n'avait jamais eue. Cela peut s'expliquer tout simplement par le fait que le chiisme était la dernière forme de culture populaire qui n'a pas été expropriée par l'idéologie du Shah. Et donc que le chiisme est l'unique forme de culture populaire qui reste au peuple iranien pour auto-légitimer une révolte contre un homme qui s'est auto-consacré empereur. Foucault nie le caractère historique et dialectique de l'usage du chiisme par l'insurrection iranienne. Nous ne trouvons absolument pas chez lui ce concept social sartrien qui expliquerait que le chiisme est une contre-culture. Contre-culture, c'est un concept social utilisé par Sartre quand il parle du mouvement basque. Le chiisme comme contre-culture à laquelle les Iraniens ont été historiquement et dialectiquement conduits pour pouvoir renverser le régime du Shah. A l'inverse même de cette position, Foucault affirme que l'islam chiite est la culture authentique du peuple iranien. Comment Foucault arrive-t-il à justifier la présence du chiisme comme jonction culturelle de l'insurrection ? Ou pourquoi, précisément, nous pouvons nous demander, cette jonction est-elle culturellement issue de la religion en Iran, et non pas d'un autre élément de la culture iranienne, une culture pourtant si riche et plurimillénaire ? Foucault répond, je cite, « Les Iraniens n'ont pas le même régime de vérité que le nôtre, lequel d'ailleurs est bien particulier. Les Grecs avaient le leur, les Arabes du Maghreb en ont un autre, et en Iran, il est pour une part modelé sur cette religion à forme exotérique et contenu ésotérique. » Fin de citation. Au travers du concept de vérité, Michel Foucault rencontre, selon nous, la principale limite conceptuelle dans sa pensée sociale, en tout cas dans sa pensée sociale appliquée à l'Iran, limite qui le conduit à une essentialisation de l'événementialité historique de la révolte iranienne, ainsi qu'à une hypostase théorique aux conséquences pratiques et militantes plus que douteuses. Foucault ne fait jamais le lien entre l'usage subversif du chiisme par les Iraniens et la situation d'oppression de type colonial intérieur qu'il constate pourtant. Le chiisme est, selon lui, le régime de vérité propre à l'Iran, car, comme il explique dans un texte écrit l'année précédente intitulé « Pouvoir et savoir », je cite Foucault, « chaque société a son régime de vérité ». Fin de citation. Ce faisant, le chiisme n'est pas historiquement devenu un langage insurrectionnel dans une situation sociale d'oppression particulière, une situation qui lui a alors donné un tel sens. Pour Foucault, ce sens contestataire, le chiisme le possède en soi. Il fait partie de l'essence même du rapport à la vérité qu'entretient cette religion. Nous trouvons par exemple plusieurs paragraphes dans lesquels Foucault affirme que l'égalitarisme est inhérent au régime de vérité chiite. Il en veut comme preuve par l'absence, là je cite, l'absence de hiérarchie dans le clergé chiite. Fin de citation. Face à un tel argument, nous nous demandons comment Foucault peut-il prendre au sérieux l'idée que l'égalitarisme dans le clergé est l'indice d'un égalitarisme dans la société, alors même que l'existence d'un clergé entendu comme catégorie sociale de professionnels et de spécialistes du sacré et du culte, est déjà l'expression d'une hiérarchie au sein d'une telle société. De même, Foucault présente le caractère nécessairement émancipateur de l'islam chiite en faisant deux fois référence, assez précisément, à la figure de Ali, le gendre du prophète Mohammed. En effet, nous savons que le chiisme, l'islam chiite, se distingue effectivement du courant majoritairement présent dans l'islam sunnite, en cela que les chiites révèrent, en plus de Mohammed, toute une série de prophètes postérieurs. Dans le chiisme iranien, c'est 12 prophètes, d'où le nom du chiisme duodécimain. Toute une série de prophètes postérieurs, tous persécutés par les pouvoirs sunnites, et dont le premier donc était Ali, le gendre du prophète. Or, c'est dans cette épopée religieuse des prophètes du chiisme, ces prophètes, je cite Foucault, persécutés par le gouvernement corrompu des califes sunnites, ces aristocrates arrogants qui avaient oublié la vieille justice égalitaire, fin de citation. C'est dans cette épopée religieuse que Foucault trouve la cause de l'insubordination de l'islam chiite, qui, je recite, n'a pas cessé à travers les siècles de donner une forme irréductible à tout ce qui, du fond d'un peuple, peut s'opposer au pouvoir de l'État. Fin de citation. L'amalgame de Foucault dans cette thèse est plus que contestable. Selon ce dernier, l'origine de l'usage insurrectionnel du chiisme en Iran réside dans le fait que cette religion est une religion de persécutés, aux représentations mythiques, par essence égalitaires. Que conclure alors d'une telle allégation ? Les musulmans sunnites sont-ils condamnés à un régime de vérité porteur de la barbarie et de l'oppression, du fait même que cette religion s'est constituée sur la persécution des chiites il y a 13 siècles ? En agissant de la sorte, Michel Foucault pêche, selon nous, par un excès de culturalisme théorique, de culturalisme au sens où l'entend l'ethnologie. En effet, on peut s'accorder avec Foucault que, comme tous les autres peuples, l'Iran se distingue en cela qu'il est porteur d'un ensemble spécifique de représentations symboliques, et que c'est la spécificité de ces représentations symboliques, justement, le constitue comme peuple différent des autres. Or, Foucault explique l'histoire de ces individus porteurs des représentations symboliques particulières par la nature même des formes symboliques elles-mêmes, dont ce peuple est le porteur. Nous savons que le passage du culturalisme à l'idéalisme est aisé, et il nous semble que l'interprétation foucaldienne de l'insurrection iranienne en est l'exemple. Pour conclure, résumons un peu notre problématique. À la question que l'on pouvait se poser, pourquoi le chiisme est-il le lien du peuple qui se révolte en Iran ? La réponse de Foucault est claire. Parce que le chiisme contient des idées qui permettent à ce peuple de juger le pouvoir politique en place et de le condamner. Et c'est cela, l'usage politique du régime, l'usage insurrectionnel du régime de vérité chiite. Notre analyse de la révolution iranienne, s'appuyant sur la conceptualisation de Sartre, est tout autre. Le chiisme s'impose en Iran parce qu'il est un ensemble d'idées, apolitiques ou antipolitiques, qui convient à une révolte qui dénonce précisément une exploitation matérielle de nature politique. Ou, si on lit une formulation marxiste, le chiisme est une superstructure apolitique qui convient à une révolte qui dénonce une exploitation infrastructurelle de type politique. C'est parce que l'infrastructure est de nature politique que le chiisme devient l'outil d'expression et de ralliement de la révolte iranienne. Au final, sur cette question, nous pouvons affirmer que la position de Foucault est idéaliste, alors que celle de Sartre est matérialiste. Dès lors, il est tout à fait vrai que l'Iran fut bel et bien l'objet, je reprends la citation de Foucault, l'Iran a bel et bien été l'objet d'une insurrection contre les systèmes planétaires. Mais si nous accordons sur une telle remarque, nous pensons que cette insurrection contre les systèmes planétaires n'apparaît nullement pour les raisons que croit Foucault. Il ne s'agit pas d'une lutte entre un régime de vérité qui serait authentiquement iranien et qui est le chiisme, opposé au régime de vérité occidental importé par le Shah d'Iran de l'extérieur. Au contraire, nous pensons que l'insurrection iranienne apparaît comme l'une des incarnations historiques de cet autre socialisme dont nous parlait Sartre dans les années 70, notamment au travers du texte Le procès de Burgos. Cet autre socialisme construit à distance de l'État et dans la critique de l'État et à partir du champ culturel local effectivement engagé dans la lutte pour l'émancipation. Pour nous, cette révolte iranienne correspond donc, là je vais conclure sur la citation de Sartre, de sa définition de l'autre socialisme, l'insurrection iranienne correspond à cette révolution culturelle qui crée l'homme socialiste sur la base de sa terre, de sa langue et de ses mœurs rénovées. Voilà. Je vous remercie. Bien, je suis sûr qu'après cette intervention très engagée, il y aura des discussions. Alex. Qui essentialise l'égalitarisme, la révolte dans le chiisme. Oui. C'est un exercice que j'ai entendu très dernièrement et longtemps. Et en même temps, c'est nos amis iraniens qui me disaient ça, le lier, et c'est pour ça que ça me paraissait intéressant, à une sorte d'essentialisation d'une habitude de critique de l'État, mais latente et qui en arrivera jamais à une confrontation politique. Bon, ça c'est un truc anecdotique, peut-être que c'est pas du tout représentatif de ce qui se dit. Mais à partir de ça, je me demandais, question sur Foucault et sur ça, d'où vient cette thèse de Foucault ? Est-ce qu'au fond, c'est pas son... Il l'a pas entendu, un peu comme moi là comme ça, et puis il y a cette habitude de reprise des savoirs mineurs et de valorisation d'un discours comme ça. Bon, c'était une question d'où ça vient. Et la deuxième. Oui. Le concept de surexploitation et son extension. Au fond, est-ce que. Alors, moi, je ne suis pas très au clair sur la richesse de ce concept chez Sartre, mais toi, tu le définissais essentiellement à partir de du renversement du rapport entre économique et politique. Et je me demandais peut-être que c'est une aberration totale, mais comme hier, Emmanuel nous rappelait que c'était aussi. Cette prédominance du politique sur l'économie, un renversement qu'il a appliqué à l'URSS. Au fond, c'est aussi une analyse qu'on pourrait très bien avoir pour la situation contemporaine, y compris pour l'Iran contemporain. Est-ce qu'au fond, c'est assez précis comme concept ? Tu disais que c'est une surexploitation, ça nomme précisément ce qui se passe dans le cadre de l'Iran. Au fond, c'est une thèse générale aussi. Oui, mais c'est un concept. Appliqué au capitalisme contemporain. Bah, c'est si près qu'il faudrait, selon moi, préciser dans quel cas il y en a et dans quel cas il n'y en a pas. Et pour moi, c'est très différent. Par exemple, quand Sartre, là, je parle sur la surexploitation, parle de, du Pays basque espagnol, il considère que le Pays basque espagnol en tant que tel est visé par une surexploitation par l'État franquiste. C'est-à-dire que le système économique capitaliste au Pays basque espagnol, pendant le franquisme, est utilisé à des fins politiques concrètes, qui est l'éradication d'une culture et d'une langue, mais que ce concept de surexploitation ne parle pas de l'Espagne en tant que telle. Il faut toujours préciser dans le lieu où lequel il se trouve, et dans le cas espagnol, ce n'est que cette région du Pays basque dont c'est le cas. Donc il explique toute la situation économique très particulière, il explique que l'état d'urgence en Espagne a été utilisé peut-être, je ne sais plus combien c'était, 20 fois ou 30 fois par Franco, et ça n'a été utilisé quasiment que contre les Basques. Donc là on a même fait des lois, là, l'usage politique, on en vient même à faire des lois pour, contre eux, etc. puisque quand on fait une loi et qu'on l'utilise que contre une partie de la population, ça veut dire qu'on l'avait fait pour elle, voilà. Donc ce n'est pas une situation précise, je veux dire, c'est pas une situation générale, on peut l'appliquer à tout, à n'importe quoi. Il faudrait viser dans chacune des sociétés, quand il y a surexploitation, est-ce qu'il y est tout le temps, quand ça commence, quand ça finit, hein, on se trouve dans cette situation-là. Dans le cas iranien, je trouve que là, il y a clairement un usage, hein, parce que comme le dit Foucault, la modernisation n'a presque pas d'intérêt, j'ai envie de dire, économique direct. Il a d'intérêt économique le fait de permettre au Shah de rester au pouvoir. Et c'est justement parce qu'il n'y a pas un intérêt économique direct et mesuré, que ça va être justement une faiblesse du système de pouvoir iranien qui va permettre aux insurgés de le renverser si facilement. Parce qu'il faut quand même se rappeler que l'Iran, comme je dis, c'est le leader régional de la région, et de très loin comparé aux autres pays arabes à cette époque-là. Premièrement, c'est le pays le plus armé du monde musulman dans la région. Il a la meilleure armée du monde de la région arabo-musulmane, ça c'est certain, mais une armée qui n'est pas une armée d'État, qu'une armée à lui, une armée qui est contrôlée sous le pouvoir immédiat du Shah, et donc il a la meilleure des technologies, etc. Mais quand le peuple se révolte, elle ne lui sert plus à rien, notamment parce qu'on est dans un rapport de propriété politique de l'État et de l'économie qui l'affaiblit. Et c'est pour ça, à la fin, les Iraniens se posent devant lui en disant: nous sommes le peuple, et c'est le chiisme, ils vont de fait utiliser ce chiisme pour pouvoir dire ça, et vous repartez. Et la première question Alors la première question, d'où vient l'argument de Foucault sur chiisme, égalitarisme, etc. D'où ça vient évidemment en partie des choses qu'on a pu lui dire quand il était en Iran. Ça vient aussi de ce que je reproche un petit peu à Foucault, et là je vais être un petit peu méchant avec lui, c'est que il prend en compte certains faits, on va dire matériels, concret, et il les prend en compte, et très intelligemment, notamment le rôle de l'armée, tout ce que je viens de vous dire sur l'armée, il explique, hein, et d'ailleurs c'est en le disant que je l'ai appris, etc. Mais à un moment, il a un rapport vraiment essentialisant à la culture iranienne, et qu'avant de partir en Iran, il se lit tous les œuvres complètes de tous les spécialistes de la religion chiite, français, internationaux, etc., comme si connaître les structures de l'islam chiite au XVIe siècle pour expliquer une révolution de 1978. Et en faisant tout cela, non seulement il surinterprète la position du chiisme en Iran, mais en plus, c'est là où je serais un peu dur, c'est qu'il ne comprend même pas très bien, je trouve, la situation de la religion en Iran, parce que déjà il oublie terre tout le soufisme qui est fondamental et qui est énormément pratiqué à cette époque-là en Iran. Et l'apparition de la révolution iranienne est un retour par la politisation, ou par, on va dire, la révolutionnarisation du chiisme, au code traditionnel chiite, c'est-à-dire à la charia, contre, on va dire, cet islam hétérodoxe qu'est le soufisme, et dont la Perse, la culture persique, est l'une des plus grandes représentantes. La moitié des grands poètes iraniens soufis sont des Perses, par exemple, vous voyez. Et là, il y a une oblitération, selon moi. Emmanuel. Moi, j'ai été. Tu as évoqué la question dont on parlait hier. Ce que je trouve vraiment intéressant avec ça, sur un plan, une remarque très générale, c'est avec le souci qu'il a de ne pas plaquer des schémas théoriques sur des situations extrêmement diverses, eh bien, on voit bien à quel point il est capable, tout en se saisissant de grandes catégories très classiques, du marxisme notamment, mais à quel point on voit à quel point il est capable de les utiliser, avec la finesse qui était par exemple celle de Marx dans 18 Brumaires, largement au-delà de ce que beaucoup de ses contemporains pouvaient faire. Et justement, ces logiques de renversement, d'immixtion, d'immanentisation mutuelle de l'économique et du politique en particulier, mettent à bas, je pense, absolument définitivement tous les usages. Toutes les invocations mécaniques des distinctions, par exemple celle entre infrastructure et superstructure. Bon, je pense que ça, c'est le genre de choses, par exemple, que Jameson a bien retenu dans ses analyses du capitalisme contemporain, de la culture contemporaine. Je pense que là, c'est très parlant sur l'exemple de Foucault. Alors, je pense que c'est très important, effectivement, de localiser la pertinence de certains concepts. Et alors, outre le fait qu'il faudrait voir si ces concepts-là, cette conceptualité-là, peut pas être utile dans une situation par définition transitoire aujourd'hui pour essayer au moins sur certains points de comprendre un peu plus avant la situation tunisienne, la situation égyptienne, la situation libyenne. Et les autres pays, qui sont toutes des déclinaisons différentes de rejet d'une forme d'autocratie sur la base aussi de rapports sociaux et économiques extrêmement problématiques, qui sont ceux du capitalisme, voir comment ça s'imbrique et comment ça se différencie d'une fois à l'autre. Moi, je pense que, naïvement, je me dis, tiens, ce concept de surexploitation, est-ce qu'il ne serait pas pertinent, en particulier dans le cas de la Libye? Et sous quelle forme? Bon, à voir, je ne sais pas. Juste une question. Et le dispositif ternaire aussi, on l'entend en écho dans plein de situations. C'est une question. Mais sinon, je pense qu'en tout cas, sur un exemple historique plus proche de nous géographiquement, c'est très intéressant. C'est le cas de l'Irlande du Nord. Comment, dans l'Irlande du Nord, le catholicisme a pu se constituer sur un background historique important, quoi, oui. Prédominance du protestantisme depuis le 16e, 17e siècle, mais comment le catholicisme a pu jouer le rôle d'un langage de la résistance à la métropole, dans un régime qui est évidemment, l'Irlande du Nord, l'Ulster, qui est la partie la plus riche économiquement et industriellement de l'Irlande. Donc, c'est pas un hasard si c'est resté, de fait, après les luttes de 1915-1916, une véritable colonie intérieure, soumise à la domination britannique. Donc le régime de colonie intérieure, de surexploitation, c'est une situation où, il y a un autre exemple de compréhension du rôle d'une religion. Oui. Bien au-delà de tout régime de vérité qui lui serait intrinsèquement immanent sous le sceau de l'éternel. Tu peux répondre rapidement. Oui, j'ai pas beaucoup de critiques à faire, je suis absolument d'accord avec toi. Hein. Ce qui était marquant, moi, je pense, par rapport à l'analyse que fait Foucault, c'est surtout il justifie a posteriori un égalitarisme qui en fait est complètement construit par les faits du fait du processus insurrectionnel. Et évidemment, pour moi, le schisme pour être utilisé dans un sens totalement inverse, d'ailleurs il a été utilisé dans un sens inverse un an après. Donc, et c'est pareil pour le catholicisme, la position, on va dire, égalitariste revendiquée par les Irlandais catholiques, etc. On sait que notamment dans le sud de la France, on en avait parlé ensemble, le protestantisme est un mouvement égalitariste. Donc voilà, ça ne veut pas dire que des religions sont réactionnaires ou égalitaristes ou progressistes en soi, c'est l'usage qu'on en fait, qui le crée, quoi. On peut trouver des milliers d'exemples comme ça. C'est peut-être juste une petite remarque, c'est pas pour me faire complètement l'avocat du diable, oui. Ni pour défendre complètement Foucault, parce que je suis assez d'accord avec ta critique, mais je pense que d'où il parle et peut-être ce qui motive en partie cette analyse-là qui est critiquable, comme tu l'as fait, c'est que je pense que, quand même, Foucault, c'est quelqu'un qui a vraiment pris acte des limites, des explications marxistes de la guerre d'Algérie. On est étonné que la guerre d'Algérie n'apparaisse pas du tout dans ces explications-là. Et il est bien je crois qu'il en est bien conscient et qu'il essaye de proposer des explications alternatives aux mouvements révolutionnaires nationaux. Et moi, je ne suis pas complètement sûre que l'analyse de Sartre, elle ait pris à ce point acte des limites de ces explications marxistes de la Révolution. Enfin, j'entends dans quel sens tu l'adaptes, mais peut-être qu'il y a ça dans les motivations de Foucault qui est quand même assez louable. Et puis, dans les années 70, on avait déjà beaucoup avancé dans les... peut-être le travail sur la guerre d'Algérie. Et je sais pas, je vous laisse. Juste pour aller dans son sens, personnellement, je ne trouve pas ridicule de montrer qu'il peut y avoir une profondeur historique, une signification culturelle dans l'avènement des idéaux égalitaires. Qu'évidemment, il y ait tout un travail herméneutique d'appropriation, de détournement de ce matériau-là, oui, mais l'idée que les valeurs d'égalité ont une histoire, qu'elles ont une coloration culturelle, qu'elles ont une profondeur temporelle, je trouve que ce sont des idées qui ont une certaine profondeur. Et qui que je ne vois pas comment on pourrait à ce point dire voilà, c'est que des reconstructions rétrospectives. Moi, je suis d'accord avec vous, mais le fait de justifier un mouvement révolutionnaire des années 70, comme je vous dis, avec un égalitarisme qui serait à sa source dans une foi qui a 13 siècles, vous comprenez ? Que ça a son histoire, on est absolument d'accord. En gros, je suis d'accord avec vous et je pense que je l'explique de notre avis avec Sartre. Vous voyez ce que je veux dire, que c'est, moi, c'est une réfutation de ce que vous dites. Je suis tout de même assez d'accord. Et là où je vais rajouter un bémol, bon, c'est un peu la règle du jeu parce que c'est ce que tu dis est vrai. C'est que ce qui me posait un peu problème dans le texte de Foucault, c'est que il utilise cet argument de régime de vérité qui vraiment je trouve très problématique, tout en acceptant des types d'argumentation marxiste dans ce... Donc il ne crée pas un nouveau champ explicatif, peut-être qu'il serait même meilleur que celui de Sartre, je ne sais pas lequel, et il reprend une partie du marxisme, il parle de l'économie, des rapports de classe, etc., etc., et en dernière instance il explique avec cet idéalisme, je trouve, du régime de vérité qui pose problème. En plus, quand on connaît pourquoi il y aurait un régime de vérité en Iran, alors pourquoi il y en aurait 4 ou 5 en Occident, parce qu'on n'en a pas eu un, c'est quand même, je trouve que c'est des vraies problématiques. Rapidement, bah, oui. Frédéric, oui. Oui, mais très rapide, c'est... On a un peu le temps. Bon. C'est juste plus une remarque, c'est qu'il y a quelqu'un en France qui est assez marrant au sens où il passerait des positions que tu as décrites de Marx à, de Sartre à Foucault. C'est Paul Venn qui, dans Le Pain et le Cirque, a en fin de compte utilisé le Sartre de l'affrontement et de la lutte dans ce qu'il a appelé le pacte historique, et qui est une manière qu'ont les rapports de force au sein d'un champ social de se sédimenter historiquement. Et puis il a évolué vers les régimes de vérité, ça se voit notamment dans Foucault Révolution d'Histoire. On a l'impression qu'il abandonne cette attention aux luttes historiques au profit de ce qu'il appelle lui-même un nominalisme ou un scepticisme des régimes de vérité en suivant Foucault. Et je trouve que c'est assez marrant parce que ça participe de la part de Venn d'un certain détachement à l'égard des savoirs considérés à ce moment-là, enfin, des croyances considérées comme des structures opaques et homogènes. Enfin, bon, c'est assez marrant. Voilà. Donc c'est juste un élément de... Non, je... Dont acte. Oui, monsieur. Oui. Je voulais juste... Moi, je m'accorde tout à fait sur l'idée que le fait que la modélisation soit établie de façon rétrospective ne remet pas en cause du tout sa nécessité, ou sa profondeur, ou son authenticité. Par contre, je pense que ça serait intéressant dans un cadre sartrien, pour aller dans ton sens et continuer à raffiner ce modèle, d'essayer de rendre compte de la propension de telle, enfin de la propension de telle ou telle religion à être prise pour fournir des arguments révolutionnaires ou pas. Parce que finalement, comme tu as évoqué l'exemple du soufisme, le soufisme n'a jamais fourni l'occasion d'un mouvement violent, d'un mouvement révolutionnaire, et ça c'est inscrit en un certain sens. Alors, excuse-moi, peut-être que tu as des faits qui contredisent ce que je dis, d'accord. Mais bon, on pourrait en trouver d'autres qui... D'accord, mais je pense que, malgré tout, c'est pas juste un fait, l'ensemble de faits, c'est juste une certaine propension, parce qu'il y a quand même des systèmes qui, finalement, fournissent des arguments qui sont beaucoup plus profonds, qui peuvent appeler à une violence beaucoup plus rapidement. Il y a moins besoin de médiation. Finalement, on peut prendre les bouddhistes qui s'opposent aux Birmans. Finalement, ils en arrivent à le faire, mais ils ont été parce qu'ils ont été poussés à bout, parce qu'ils sont acculés. Mais finalement, le bouddhisme en soi, c'est quand même extrêmement difficile d'en faire quelque chose de l'origine. Donc, voilà, je pense que avec l'idée avec la manière avec laquelle il reconstitue les pratiques linguistiques dans la critique de la raison dialectique, je pense que ça permet de rendre compte justement des différents systèmes discursifs, enfin, de rendre compte de leur spécificité, et donc par là de leur propension à être repris ou pas dans des projets révolutionnaires. Alors moi je suis d'accord avec toi sur l'usage des discursifs, etc., des pratiques discursives, etc., ça c'est sûr. Après, là aussi, je suis assez critique sur l'idée que des fois ou des religions, un ensemble de représentations, etc., seraient en elles-mêmes porteurs de violence ou pas. Parce que qui décide de où commence le texte sacré et où il finit, par exemple ? Ça, c'est historique, on le sait. Qui décide de l'interprétation des lois, etc., etc. Donc, c'est... par exemple, le soufisme... Bon, déjà, il y a 1000 soufismes. Le soufisme, c'est à la fois la pratique mystique de l'islam, et même, c'est finalement aussi l'islam populaire. L'islam qui a encore des racines paganistes, etc. On le connaît, notamment en Afrique, dans le Maghreb, etc. Donc, déjà, c'est 1000 choses. Mais, bon, l'une des choses qui est sa caractéristique, c'est le fait de passer par l'interprétation individuelle, au lieu d'être conforme à une loi extérieure, voilà. Mais par exemple, bon, mais c'est vrai que ça fait souvent des mouvements pacifistes, puisqu'il n'y avait pas une loi à appliquer, mais une certaine conviction à avoir. Mais en ce moment, il y a une guérilla inspirée du soufisme en Somalie, donc on peut en faire beaucoup de choses. Et d'ailleurs, l'usage politique de ces religions-là, on connaît leur histoire. Et par exemple, je pense pas non plus, c'est de manière un peu pas provocatrice, mais que le bouddhisme en soi, on peut en tirer énormément d'usages violents, parce que par exemple, si on prend le bouddhisme tibétain, son texte sacré, c'est pas un livre, c'est 3-4 bibliothèques, on peut trouver ce qu'on veut de là-dedans. C'est la culture populaire nationale, presque. Juste rapidement, un petit exemple, juste en fait, en un certain sens, la pierre ou le revolver ne sont pas en soi ce qui tue, hein. Il y a bien quelqu'un qui le tient, quelqu'un qui s'en sert. Oui. Mais néanmoins, il y a une différence entre la pierre et le revolver. C'est-à-dire que il y a des trucs qui sont forgés en vue d'eux, ou il y a d'autres choses qui ne le sont pas forcément. Et je pense qu'on peut rendre compte de cet écart. Parce qu'il y a des régimes discursifs qui sont fondamentalement violents. Enfin, je dis pas justement, ça revient pas à l'inclure dans telle ou telle religion. Oui, oui, oui. Ça qui est le régime discursif violent, c'est sûr. C'est ça. C'est train de soi-même. Ouais. Et fait pour ça même, ça c'est sûr. Ce contraste-là, le garder et en rendre compte. D'accord, merci. Jean-Michel. Oui. Oui, je voulais essayer d'exprimer une partie de la gêne que j'éprouve en entendant l'exposer. Déjà, j'ai une gêne parce que j'ai l'impression que l'exposé est une analyse concrète d'une situation concrète, comme on disait dans ma jeunesse. Je me sens inhabilité à répondre à ça en tant que philosophe et j'ai peur de me tromper tout autant que les prédécesseurs qui ont été évoqués. Donc ça c'est un premier point. Mais essayant quand même de jouer ce jeu, je suis gêné par la manière dont dans l'analyse il y a une tentative d'abord d'isoler un moment où l'islam est là simplement comme critique du politique, comme quelque chose qui est instrumentalisé par une insurrection qui se définit en dehors de l'islam, et qui va l'instrumentaliser comme critique du politique et mode de réaction dialectiquement résultant d'une modalité particulière qui serait celle de la surexploitation. Donc cet isolement me gêne, parce que j'ai l'impression que tout indique qu'en fait, ce mode de critique, il est extrêmement annonciateur de la figure politique qui va venir derrière. Et par exemple, vous auriez pu évoquer les modes d'intervention qui étaient les modes terroristes contre les lieux de boissons ou contre les cinémas, avec des attentats contre les cinémas où il y a 400 morts parce que les interventionnistes roménistes bloquent toutes les sorties. On voit bien que ce n'est pas la non-redistribution des ressources de l'économie qui est visée à cet endroit-là, mais c'est bien la modernité. Donc le fait de décider que ce n'est pas la modernité en tant que telle qui est une cible, et que ce n'est pas l'islam en tant que tel qui intervient dans ce moment de critique, et que cette intervention critique de l'islam n'est pas déjà le désir de quelque chose comme ce qui viendra après, cette population générale de l'innocence des moments de critique par rapport à toutes les sollicitations gouvernementales qui viennent après, me paraît quelque chose de gênant. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, je reviens sur l'histoire de la corrélation entre l'islam comme langage instrumentalisé comme réponse au gouvernement du Shah. Là, j'ai l'impression que, est-ce qu'on peut encore parler comme si, que sur un mode quasi scientifique et causal dans ce genre de choses? Est-ce qu'on dispose de lois bien vérifiées, bien établies scientifiquement d'une manière quelconque, selon laquelle chaque fois qu'il y a surproduction, il y a mobilisation du langage religieux comme praxis populaire contre? Il me semble qu'on dispose de rien de tel, que les exemples récents que vous avez évoqués tout à l'heure seraient plutôt l'affirmation de cette corrélation. Et de toute façon, je pense que abandonner une certaine naïveté du marxisme comme lecture du monde, ce serait au moins abandonner ces schèmes causalistes qui sont critiqués par Ricoeur comme conception hempelienne, analytique, nomologique de l'histoire. Mais on peut utilisons cet argument aussi dans ce genre de cas. Moi, sur la question que vous êtes posée par rapport au lien entre le moment 78 qu'étudie Foucault et la suite, évidemment, je me la suis posée, je me suis interrogé. Pourquoi je pense que c'était légitime d'étudier cet événement de surgissement du schisme? C'est parce qu'en travaillant sur les détails du mouvement révolutionnaire iranien, j'ai tiré comme conséquence que s'il s'agissait seulement d'une prise de pouvoir politique en tant que telle, ce ne serait pas les islamistes qui auraient gagné. Enfin, ce n'était pas les mieux placés, ne serait-ce qu'en contrôle des masses, etc. Comme je dis au début, les partis d'opposition, il y a la légitimité du Front National de Mossadegh, il y a le Toudé, le parti communiste très fort, il y a les mouvements marxistes-léninistes très puissants, et qui sont puissants très longtemps, quand on regarde dans les détails, vous savez même que certains partis de gauche étaient encore légaux plusieurs années après la révolution islamique, ce qui montre, je veux dire, qu'il y a eu même un usage des islamistes de cette gauche-là, au bout d'un moment, et à quel point elle a été aussi acteur. Et Foucault, ceux qui s'interrogent sur cette question-là, mais d'où vient ce surgissement, pour dire spontané, entre guillemets, du chiisme, tout d'un coup, dans cette situation-là, pourquoi ils n'utilisent pas trop d'autres pratiques, pourquoi il n'y a pas une revendication politique, pourquoi quand on leur demande quel État voulez-vous, aucun n'est capable de répondre, mais y compris dans les élites, entre guillemets, et ça c'est l'un des trucs qui choque le plus Foucault, et pourquoi certaines pratiques traditionnelles qui étaient quasiment perdues dans les grandes villes insurgées réapparaissent. Et donc j'ai l'impression, c'est ma lecture en tout cas de l'événement, qu'il y a deux grands moments. Un moment antipolitique de réapparition donc de l'islam dont j'ai parlé, et un deuxième moment qui est un moment très stratégique, et parce que pour moi, si ce mouvement de 78 était antipolitique, il y en a un qui l'était pas, c'est évidemment les islamistes. Et Khomeini était quelqu'un d'une personnalité d'une intelligence machiavélique phénoménale, et presque rare si c'était pas à le déplorer, puisqu'il y a toute une stratégie de la prise du pouvoir que vous devez connaître pour le coup, qui n'a rien à envier à l'intelligibilité des phases de l'histoire qu'a pu avoir Lénine en 17, et qui est vraiment pour le coup de la stratégie politique pure. Il fait un retrait, etc. Bon, enfin bref, il a des moyens, mais qu'est-ce qui lui permet d'avoir ces moyens? Ce n'est pas seulement le fait que le chiisme à ce moment-là réapparaît comme mouvement. Ça, il essaie même, la plupart des roméinistes passent leur temps pendant le mouvement révolutionnaire et après à justifier pourquoi ils sont chiites au sens que le peuple voudrait bien entendre, repolitisent des choses qui n'étaient pas politiques dans leurs propos, ou le gauchisme, ou le révolutionnarisme, etc. Et puis, bon, Khomeini prend le pouvoir parce qu'il en a les moyens, et ces moyens, il les a parce qu'on lui donne. À un moment, s'il prend l'avion et il rentre en Iran, c'est qu'on l'a laissé y rentrer. Donc, je veux dire, là, il y a une une stratégie politique à la fois intérieure et extérieure. Et c'est ça qui fait notamment que les mouvements de gauche, eux, se retrouvent totalement impuissants. C'est pour ça que je pensais qu'il fallait séparer ces deux moments, en gros. Bien que votre critique, je pense, est totalement justifiée sur une analyse historique des révolutions en général. Bien, nous allons arrêter ces discussions intéressantes, Claire. Un mot, peut-être on peut continuer à...